On va parler avec Pascal Bouchard, évidemment, le hockey, encore une fois sur pause pour la troisième saison consécutive. On espère évidemment que c'est pas pour longtemps. Et question de savoir un peu qu'est-ce qui se passe, on lui parle. Salut Pascal! Salut Danny. Pascal, qui est le spécialiste, évidemment, le responsable du hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au moment où on se parle, il est le 12 janvier. Est-ce que tu as des nouvelles un peu à ce qui concerne les reprises de hockey mineur? Est-ce qu'il va y avoir une reprise à court ou moyen terme? Ben, à court terme, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de reprise. Là, on n'a pas énormément de nouvelles. C'est sûr à la fin du mois de janvier, là, on s'entend pas de recommencer avant février, certain. Là. OK. Donc, mais ça va devenir de plus en plus difficile, hein? Ben, c'est sûr que c'est pas le fun, là. Ça devient dur sur le moral de tout le monde aussi. Notre monde, nos gens ils travaillent beaucoup pour donner un service à nos joueurs, tout ça. Les tournois s'étaient préparés. Les saisons étaient décollées. Les saisons, on avait au moins la moitié des saisons de fait jusqu'à maintenant. Puis là, tout arrêté tout d'un coup comme ça, là, c'est sûr que c'est décourageant un petit peu. OK. Là, qu'est-ce qu'on vous dit au gouvernement? Vous avez des discussions. J'imagine que c'est Justin Thibault en tête qui est en arrière de ça, qui parle avec le gouvernement, ou comment ça fonctionne en fait? Ben exactement, c'est Jocelyn Thibault là, qui est notre nouveau directeur général là, qui est en contact direct avec le gouvernement. Des rencontres là, périodiques avec eux autres. On leur soumet toujours les mêmes façons de faire qu'on a faites, qui ont été testées, qui ont été on a prouvé que ça fonctionnait ce qu'on faisait. Il demande aussi à Santé publique, ben écoute, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour justement recommencer une activité normale? OK. Si on parlait un peu, moi je t'inquiète pour les ligues, l'avenir des ligues. Est-ce que tu vas dans le même bateau? Moi, je vais te dire une affaire. Écoute, ça pourrait pas être ça année après année, là. Tu sais, il va falloir, moi je dis qu'il va falloir vivre avec le virus, tout simplement. Les jeunes sont pas à risque, puis ça finit là. Parce que sans ça, les ligues vont être menacées. Moi, je me mets à place de bénévole. Ça m'intéresse pas de m'impliquer, sachant très bien que 2, 3 mois après, ça risque encore d'être suspendu. Ben, c'est sûr que c'est des casse-têtes là, pour les ligues, puis pour nous autres aussi, là. C'est justement dans les ligues, c'est des bénévoles qui sont là, qui préparent nos saisons, qui font nos horaires, tout ça. Puis on a besoin d'eux autres, c'est sûr, là. Le hockey est basé beaucoup sur le bénévolat. Oui, c'est inquiétant, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est pas vraiment les structures de ligue en tant que telles, c'est vraiment plus le membership, là. Si on est pour arrêter à toutes les saisons comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, des joueurs, il n'y aura plus, là. Ça les intéresse pas, les gens, de commencer quelque chose pour pas le terminer, là. OK. Dis-moi, Pascal, moi, la question que je me pose, et c'était une bonne réflexion que j'ai entendue dans un direct, ça donne quoi de faire des comités comme Marc Denis a fait, là? On s'est annoncé en grande pompe avant les fêtes, puis c'est pour avoir plus de Québécois dans la Ligue nationale, puis ainsi de suite. Ça donne quoi de faire ça si t'es même pas, si t'es même pas, si les jeunes sont pas sur la glace? Ben, c'est sûr qu'à la base, si les jeunes ne sont pas sans glace, on a beau penser à plein de bonnes idées, à plein de façons de faire, des nouvelles façons de faire, tout ça. Si les jeunes ne sont pas sans glace, il n'y a rien d'applicable. Donc, ça donne absolument rien là, de développer des idées si les jeunes ne sont pas sans glace. À la base, là, c'est ça que ça prend. Ça prend des jeunes sans glace, puis après ça, ben, on a des programmes pour développer ces jeunes-là. Puis maintenant, ben gars, s'il y a des nouvelles idées, puis que on est capable de les appliquer facilement, ben pourquoi pas? Mais à la base, là, c'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Si les jeunes sont sans glace, OK. Mais si les jeunes ne sont pas sans glace, ça nous apportera pas grand-chose. Effectivement. Ben Pascal, on suit le dossier de près. Je sais que c'est. Est-ce que les parents, ça vous dit quoi? Est-ce que les parents vous appellent? J'imagine que tu dois répondre quasiment juste à ça aux parents. T'es le responsable du hockey mineur, des feux, tu dois en éteindre en masse, là, du côté des jeunes. Ben, c'est sûr que on est à éteindre des feux, oui, c'est ainsi, là, on répond du mieux qu'on peut à nos gens, mais ça, on n'a pas de réponse. C'est pas compliqué, là. Le gouvernement, là, nous donne vraiment pas, nous donne très, très peu d'informations, puis c'est malheureux, là, mais on attend un petit peu comme tout le monde, là. C'est vraiment pas facile, mais c'est sûr qu'il commence à y avoir de plus en plus de mécontentement, hein. On se le cachera pas, là. Les jeunes qui sont habitués de faire de l'activité à l'aréna, tout ça, sont encore pénalisés encore une fois, même si on a les glaces extérieures, même si on fait des projets pour inciter les jeunes à aller jouer, à l'extérieur, se faire des matchs extérieurs, tout ça. On fait des concours, on les stimule, mais quand même, c'est pas une vraie saison de hockey. Ben non, c'est sûr, c'est pas une vraie saison de hockey, puis c'est pas ça, là. Ben, on va suivre le dossier de près, Pascal, pour payer de se parler. Parfait, merci beaucoup. Le responsable du hockey mineur au Saint-Jean, Pascal.